France Impro, ça donne chaud. Bonjour à tous, c'est France Impro ce matin. C'est Jean-Michel au micro, on est deux avec Dominique. Bonjour. Salut à tous, donc il est 10h, on va commencer. Pour moi, c'est la première émission de l'année. Je sais pas si... Pour moi aussi. Toi aussi, c'est la rentrée de France Impro. En fait, on a grillé celle du 14 janvier, tant pis. On se retrouve ce matin, moi avec plaisir en tout cas. Moi, c'est un peu tôt, tout ça, il pleut, non, je rigole. Alors, on vous a concocté 2-3 petites choses, il y a des surprises, il y aura de la musique avec quelque chose qui vient du Japon que je découvrirai avec vous, enfin je l'ai écouté un peu, mais voilà, il y aura des gens de Londres, le London Improviser Orchestra aussi, il y aura de la chanson, un truc inaudit, ce sera une surprise. Et puis il y a Dominique qui va nous préparer quelque chose aussi avec une boîte bizarre. Oui, on en parlera tout à l'heure. Qui fait du bruit, voilà. Ben, on va commencer tout de suite avec un disque et puis on en parle après. Thank you. C'était que ça sature. Alors, c'était un disque de deux musiciens. L'un s'appelle Tetsuji Akiyama, qui est guitariste acoustique. Et qui est japonais, comme son nom l'indique. Qui est japonais et qui jouait avec Jason Kahn à la percussion et au synthétiseur. Là, en l'occurrence, je pense qu'il avait plutôt des bols de résonance. Ah, ça aurait pu être un synthétiseur aussi, justement. Peut-être. Je te posais la question. Ouais, peut-être, oui. Et voilà, moi, je ne connaissais pas ce musicien japonais qui est né en 64. En fait, il a bossé pas mal tout seul. Il a joué à New York, il a joué dans pas mal d'endroits. Chicago, Détroit, aux États-Unis. Et voilà, là, c'est un disque que j'ai découvert qui s'appelle Till We Meet Again, qui est sorti. Donc, c'est des morceaux live enregistrés entre 2003 et 2005. Je trouve vachement bien pour se réveiller. J'espère que vous avez apprécié de votre côté aussi, si vous êtes encore au lit ou presque. On s'en met un deuxième morceau ? C'est parti. Allez. Voilà, c'était Tetsuji Akiyama et Suzanne Kahn dans un disque qui s'appelle Till We Meet Again, enregistré entre 2003 et 2005. Un truc que je n'ai pas dit, c'est que ce musicien joue avec des musiciens français depuis 2006, si je ne me trompe, notamment avec Hervé Bogossian et David Sylvain. Ils ont tourné en Europe pas mal ces dernières années. Voilà, c'est une découverte pour ma part. Tu connaissais Pas du tout. Voilà, bah voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, bah, très bien. Très bien. Très horizontal comme musique. Très, comme un lit, quoi, où on sort lentement le samedi matin à 10h15. Ou comme un lit dans lequel on entre doucement le samedi soir. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute autre chose ? Ouais, c'est parti. On est là pour ça. Du même ? Peut-être on peut s'en mettre une troisième. Hein. Allez. On va faire ça. Et normalement, il y avait... Alors, le morceau que nous entendons actuellement est un drone. Ça s'appelle un drone. C'est un solo de synthétiseur. Sauf erreur de ma part, ça doit être quelque chose comme un synthétiseur analogique modulaire. Il faut imaginer des boîtiers qui sont branchés entre eux avec des petits fils ou des gros fils, ça dépend. On a dans la région un spécialiste de ce genre de musique en la personne de Roland Ossard à Albi. Et qui, chaque fois qu'il fait un concert, se déplace avec une valise pleine de petits boîtiers qu'il branche entre eux. Il y a des oscillateurs, des filtres. Alors, le principe, c'est qu'on va générer du son, on va générer des formes d'ondes avec des boîtiers générateurs de son. Et ensuite, on va procéder à différentes manipulations de façon à faire apparaître des harmoniques. Par exemple en additionnant des formes d'ondes ou en soustrayant, en partant d'un bruit blanc, typiquement un bruit qui contient pratiquement toutes les formes d'ondes, et en les soustrayant avec des filtres. On peut aussi, et là c'est certainement ce qui se passe, avoir deux oscillateurs qui vont générer des ondes très très proches et les dérégler, en dérégler un très doucement, ce qui va faire apparaître des harmoniques. Voilà, et on peut écouter ça pendant des heures. Ça s'appelle un drone, rien à voir avec les drones de l'armée américaine qui tuent des gens. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Quelque chose d'intéressant, c'est que le drone, c'est une musique archaïque. C'est une forme de musique archaïque. Ça a toujours existé. Dans la musique populaire, dans la musique traditionnelle, il y a des drones dans tous les pays du monde. C'est des sons continus comme ça, des instruments qui servent à faire ça. Par exemple, c'est la vielle à roue. Alors ça peut être mélodique, ça peut servir de base à un morceau plus traditionnel, enfin de construction plus traditionnelle, mais par exemple la cornemuse fait des drones, et dans la chanson populaire aujourd'hui on entend, une chanteuse qui s'appelle Camille, qui a fait un disque qui s'appelle Le Fil, construit sur un drone qui dure du début à la fin du disque. Alors c'est intéressant parce que j'avais pas du tout... c'est Jean-Michel qui arrive avec ce disque. Moi je suis arrivé avec un boîtier électronique qui s'appelle une Cracklebox. On trouve sur internet une communauté enthousiaste de gens autour de tout ce qui est synthèse et électronique et construction électronique. Les gens qui vont faire ce genre de musique sont souvent très bricoleurs. Sur Internet, on trouve des tas de montages, des tas de choses à faire, des tas de projets à construire pour faire du bruit, pour faire du son. Et dans la communauté de gens qui utilisent ce genre d'instrument, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui vont faire du drone jusqu'à la techno. On peut utiliser ces instruments pour faire des tas de musiques différentes. Ils ont eu leur heure de gloire dans les années 80. Aujourd'hui, on peut faire des tas de choses de façon numérique, on peut émuler ces choses-là. Mais j'étais surpris de voir, et je m'y suis replongé récemment, de voir à quel point la communauté de musiciens électroniciens, d'une certaine manière, était toujours active. Et donc là, j'ai amené aujourd'hui un petit instrument qui s'appelle une Cracklebox. C'est un instrument électronique, une sorte de synthétiseur électronique, mais avec d'une simplicité enfantine, qui m'avait été présenté par Marc Demereau. Quand, il y a quelques années, on avait fait un atelier de musique, j'avais participé à un atelier de musique improvisée. Et donc cet instrument-là est extrêmement intéressant dans la mesure où son principe, c'est qu'il y a des petits... Il n'y a pas de clavier, comme on peut imaginer sur un synthétiseur... comme on imagine, comme le grand public imagine. Il n'y a pas non plus de potentiomètre comme il y a sur les synthétiseurs modulaires. Il y a des connecteurs sur lesquels le musicien va placer ses doigts et va créer des contacts entre les connecteurs, et en fonction de son corps, de la façon dont il place les doigts, il va y avoir les résistances entre les connecteurs va changer, et ça va générer des sons qui sont ça va générer une palette de sons assez variée. Et donc je vous propose de vous faire une petite démo de la Cracklebox. Et il y a une analogie immédiate et assez féconde entre le musicien qui joue de la Cracklebox et l'improvisateur en général qui va du coup s'immerger dans un environnement sonore et réagir en fonction de ce qu'il entend, de façon à participer à la construction du discours musical. C'est-à-dire que ça ce n'est absolument pas une, quelque chose de prévu à l'avance. On peut pas, on va pas arriver avec un discours construit, une partition. Il va y avoir un donné, c'est-à-dire le son de départ qui va sortir de la machine, et on va essayer de construire avec ça. On va essayer de trouver nos repères, on va expérimenter. Et donc moi, je suis un tenant de la musique improvisée est très proche des musiques expérimentales. Voilà, donc on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais sur la Cracklebox, ça paraît évident. Alors, je vous fais écouter un petit peu. Une petite démo de la Cracklebox. Alors, il existe toute une communauté sur Internet autour de la Cracklebox, à commencer par son créateur. Hein. Alors, c'est Jean-Michel qui a son nom sous les yeux. Michel Vein, je ne sais plus, un Hollandais, donc, qui a mis à disposition son schéma de circuit, mais qui en commercialise. Il existe des orchestres entiers qui sont composés de musiciens qui jouent de la Cracklebox. C'est Michel Weiwitz. Michel Weiwitz, voilà. Donc merci à lui d'avoir publié son circuit qui m'a permis d'en construire une. Et je vous invite, si vous avez un fer à souder, un peu de temps et 10 euros de composants, vous pouvez construire une Cracklebox et c'est très rigolo. Et c'est d'autant plus rigolo qu'on peut y jouer à plusieurs, vu que c'est une histoire de courant électrique qui passe. On peut toucher des connecteurs, une personne peut toucher certains connecteurs, l'autre d'autres connecteurs, et on fait le contact comme ça. Sur la même boîte. Sur la même boîte, tout à fait. Ouais. Voilà, donc... Mais j'avais une petite question. Le courant généré par le système électrique, avant que tu mettes tes doigts dessus, il est toujours le même? Oui. Il n'y a pas d'aléatoire là? Non. L'aléatoire, c'est l'impédance que tu mets en mettant tes doigts sur le système. Oui, tout à fait. Par contre, en mettant les doigts, ça va, en fonction de là où on les met, évidemment, ça va faire des choses très compliquées parce que ça va aller charger des condensateurs. L'état du système n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, dès qu'on a mis les doigts, du coup, ça fait des tas de trucs. Et donc, en fonction de comment on va faire évoluer les doigts, enfin, on peut tout à fait jouer de cet instrument au sens où il est prédictible. Mais il est compliqué. C'est pas du tout en mettant les doigts de la même façon. En fonction de ce qui s'est passé avant, ça va avoir une influence. Voilà. Et bien. Non, super. Voilà. Ça me donne envie, en fait. On continue. Je me disais, c'est un truc qu'on n'a pas fait encore. Mm-hmm. Mais hier soir, je suis tombé sur des disques d'Albert Marker. Et je me suis dit, tiens, mais j'ai bien envie de mettre ça dans l'émission demain. Donc ça n'a rien à voir avec l'improvisation, pas tellement, parce que c'est écrit, c'est composé, c'est de la chanson. Mais il y a quand même quelque chose qui... Je sais pas, tu vas voir, tu me dis. Mais c'est parti. À votre avis, ça sert à quoi ? À tout passer sa vie, à gagner sa vie. Pour un jour la perdre la vie, perdu la vie. Ça sert à quoi ? Gagner sa vie, ça sert à vivre pardi. Sa vie pour vivre, faut gagner pour vivre sa vie. Voilà la jolie vigne, vigne, vigne, vignon, le vin. Voilà la jolie vigne. Voilà la jolie vigne, vigne, vigne, vignon, le vin. Voilà la jolie vigne. Voilà, c'est un disque d'Albert Marker qui s'appelle Apostrophe. C'est pas de l'improvisation ni de la musique expérimentale, mais je sais pas, dans l'enthousiasme de début d'année, je me suis dit que j'avais envie de passer ça à l'antenne ce matin. Si ça vous plaît, on s'en met un deuxième. Si. Je veux bien qu'on écoute un deuxième parce que j'ai raté le premier du fait d'un petit impératif technique. On est resté coincé une heure et demie. heure et demie. Une heure et demie, parce que quelqu'un s'est jeté sur la voie. T'imagines, une heure et demie. En plus, ils avaient bloqué toutes les portes. On pouvait même pas descendre pour aller voir. Voilà, c'était Albert Marker. Le premier morceau s'appelait L'idéologue. Et le deuxième, L'exemple type. Donc, c'est un album qui s'appelle Apostrophe, qui est sorti en 2005. Albert Marker, bon, il est connu quand même dans les milieux un peu expérimentaux. C'est un type qui est né en 1947, qui a fait des études de clarinette, puis qui passe sa vie à faire de l'expérimentation rythmique, sonore, vocale, et écrire beaucoup de textes qui sont repris parfois en théâtre aussi. Récemment, il a fait un spectacle qui s'appelle Si oui, oui, sinon, non, qui a tourné en 2013-2014. Et aussi, il a signé un bouquin là, qui vient de sortir, enfin qui est sorti en 2014, qui s'appelle Mais Monsieur Marker, comment se fait-il que vous ne soyez pas venu nous voir plus tôt ? Aux éditions Planck et Replanck. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'actu, mais il se passe peut-être des choses. Voilà, auteur-compositeur inclassable qu'on n'entend pas souvent. Mais j'aime bien. C'est très bien, effectivement. On s'écoute de la musique maintenant, alors. Allons-y. On va s'écouter le London Composer Orchestra, puis après on en parle un peu. Il n'y aurait pas une germée. Thank you. Voilà, c'était le London Composer Orchestra. C'est un orchestre qui existe depuis près de 20 ans, en fait, qui est dédié à l'improvisation, mais aussi aux improvisations dirigées. Il y a beaucoup d'improvisations dirigées. Dans la mesure où il s'appelle le London Composer Orchestra, ça paraît logique. Non, c'est London Improviser Orchestra. Ah, d'accord, t'as dit... Je ne suis pas bien réveillé. Non, c'est London Improviser Orchestra. Voilà, ça m'étonnait aussi. Et qui existe depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des dizaines de musiciens qui ont joué dans ce groupe-là. Ça, c'était des enregistrements faits en 99. Avec des gens comme... je pense tout à l'heure, je lisais. Oui, Evan Parker, par exemple. Qui a joué, qui a conduit un des morceaux, bah celui qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Et voilà. Peut-être on écoute un autre morceau de cet album. Allons-y. Si ça vous dit. Thank you. conformément à la tradition France Impro, nous allons lire une entrée du livre de Lee Kuan Yin, Improviser librement, l'abécédaire d'une expérience. Alors ce sera l'entrée instrument. On épuise l'improvisation à force d'en relever une nomenclature. On nie finalement le mouvement poétique de l'improvisation en la réduisant à des trouvailles instrumentales, des gestes classifiables. Je ne pense pas que je mène des recherches. Encore une fois, je ne classifie rien, ni ne prends note des nouvelles associations qui peuvent advenir. Je n'accumule aucune expérience. La règle de la perte et du profit est incontournable. Si quelque chose de nouveau apparaît, du fait d'une volonté d'infléchir les gestes qui produisent des sons, alors j'oublie d'autres sons et d'autres nécessités sonores parce que j'ai oublié le moment qui les a créés. Rien n'est reproductible à l'infini. La question que je me pose sans cesse, c'est pourquoi je me suis encombré de tant d'ustensiles, avec ce que cela indique de lourdeur, de volume et donc d'implication physique. Ce rapport à l'outil, si intime et sans doute si impudique, est au cœur de mon travail. Un outil pour un matériau, mais aussi un outil prêt à tous les sabotages. Je ne sais pas pourquoi je joue debout. Peut-être est-ce dû au fait que je ne considère pas les objets que j'ai rassemblés comme quelque chose derrière quoi je dois me mettre, mais comme une question autour de laquelle je dois tourner pour tenter de la poser plus précisément. Le son et le silence sont le matériau, pas plus. J'ai de moins en moins d'attirance pour la musique, mais toujours plus pour les battements d'air. Mais je dois faire avec l'encombrement que j'ai choisi au commencement, ces instruments qu'on appelle de percussion. Je n'utilise que et très peu d'autres choses, même de récupération. Je n'en ai pas fini avec eux. Ils sont à la fois précieux et ils importent peu. Je tâche de faire confiance au son. À la première impulsion, reprendre la vibration dans les mains comme un soulagement. D'où vient ce besoin de grain et de texture? Quand ça coince, quand l'instrument est embarrassant, il faut bien puiser le son quelque part ou laisser le silence. Il n'y a que des nécessités. Y a-t-il du sens dans le son? Il me semble bien pourtant que mes instruments veulent dire quelque chose, mais est-ce par habitude culturelle? Ils vivent leur propre vie, et l'intimité avec eux ne me les fait pas mieux connaître. Et si j'en apprends plus, les gestes pour en tirer des souvenirs sont carcéraux. J'espère en tout cas que ce n'est pas trop lourd aux oreilles attentives. Beaucoup de compositeurs n'ont plus aucun contact avec la vibration instrumentale. Ils n'ont plus qu'une idée de cette vibration comme une espèce d'eldorado qu'ils espèrent trouver à force de contorsion de la pensée. C'est oublier que dans le mouvement du corps à émettre des signaux, il y a une énergie tellurique qu'on n'obtient pas, ou fort peu souvent, en combinant des paramètres issus d'une taxonomie du son, d'une manière de classer le sonore dans des catégories. Une onde se capte, ne serait-ce qu'un instant, que lorsqu'on devient poète, c'est-à-dire d'ouvrir assez de portes en soi pour l'accueillir de plein fouet. Il faut aimer la vibration, pas seulement y penser. Et les instruments que l'on classe dans la famille des percussions dans la nomenclature classique indiquent peut-être beaucoup trop d'animalité qu'on tente sans cesse de faire taire, ou qu'on limite dans des formes où la mathématique froide prévaut. Si improviser c'est chercher, à force de retranchement, ce qui nous appartient en propre, non comme propriété mais comme singularité, et s'il faut pour cela passer par l'instrument, les années de pratique et de proximité avec cet instrument font qu'on doit l'avaler, le faire entrer en soi pour qu'il n'y ait plus de distance ni de méfiance envers lui. On dit que l'on travaille son instrument. C'est sans doute qu'on ose indiquer qu'on travaille sur soi, qu'on se travaille par le biais d'un outil que l'on croit complexe à manier parce qu'on ne sait encore rien de soi. L'instrument est une métaphore de soi. Et chaque étude, chaque exercice sont l'esquisse d'une possibilité de l'être. Seulement, il ne faut pas confondre la métaphore avec la vie, considérer toute victoire instrumentale comme une victoire totale sur soi. Croire que l'exercice possède des règles qui sont autant d'indications sociales, non. L'instrument est seulement une chance de passer d'une difficulté d'être à l'exploration d'un entre-soi, là où peuvent se rassembler le corps et l'esprit, simplement. Merci Dominique. C'était Instrument. C'était Instrument. Une des notices les plus longues de son abécédaire. Peut-être pour il nous reste un peu moins de 10 minutes pour l'émission. On va partager avec vous l'agenda des sonophages, qui est l'agenda des concerts à Toulouse et sa région sur les musiques improvisées et expérimentales. Alors peut-être en janvier, déjà ce soir, il y a ce soir, le 28 janvier si je ne me trompe pas, il y a un concert qui s'appelle Vant Fritz Moll et Indurin, c'est à la Manita Muscaria, c'est organisé par Anarchie dans le Yucca. Personnellement, je ne connais pas ces groupes. Mais... Les Incontournables, Anarchie dans le Yucca. Alors, on connaît rarement les groupes qui sont programmés par Anarchie dans le Yucca, mais c'est toujours très bien. Donc, il faut y aller. Alors, juste, j'ai la chance de savoir pourquoi, enfin, d'où vient le nom Anarchie dans le Yucca. Ah. Donc, je vais faire une révélation. C'est peut-être la première fois qu'on révèle publiquement d'où vient ce nom. C'est un jeu de mots sur Anarchy in the UK, des Sex Pistols. Voilà. Ah ouais. Anarchy dans le Yucca, Anarchy in the UK. Et donc j'étais le week-end dernier chez Manu, qui est un des cerveaux d'un archer dans le Yucca. Et il a un Yucca dans lequel un archer est planté. D'accord. Et donc en février, enfin du 30 janvier au 4 février, il y a la semaine du son. Le festival Silence, ça se passe à Albi, c'est organisé par le GMEA. Donc il y a des expos, il y a des salles noires, il y a des salles d'écoute, il y a des concerts. Donc il faut aller voir sur leur site, il y a plein de choses qui se passent du 30 janvier au 4 février. Le 10 février, il y a un Mix Armeris, il y a une série de concerts avec Schromb, avec Velux, avec Pilicaout, avec Saint-Sadril et avec Caraco et Maison. C'est toujours organisé par un archer dans le Yucca. Ce sera le 10 février, c'est des rues Ferdinand dans la salle, enfin j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Mix Armeris à Toulouse. Le 10 également, c'est à la menuiserie, mais ça c'est à Rodez, si vous avez l'occasion d'aller dans l'Aveyron. Il y a un concert qui s'appelle l'autopsie a révélé que la mort était due à l'autopsie. Voilà, c'est à Rodez le 10 février. Au Taquin, un beau concert le 17 février. Au Taquin, c'est l'ancien Mandala, hein, qui est rue des Amis Douaniers, au 23. C'est à 20h30. Donc il y a deux choses, il y a Freddy M01, Facteur Sauvage et Rubland. Facteur Sauvage, c'est un duo, Laurent Paris à la batterie, Mathieu Sourisseau à la guitare. Enfin c'est un trio parce qu'il y a aussi Daniel Scalet à la voix. Je suis vraiment pas réveillé ce matin. Et il y a Ruland qui est Mathias Pontevia, qui est un batteur de Bordeaux je crois. Et Yann Saboya, guitare électrique. Donc le 17 février, je crois que ça n'a pas manqué ça. Le 19 février, c'est au Pavillon Sauvage, la baraque à Free. Le 22 février, il y a la leçon de jazz avec Leïla Martial au Taquin. Ah, Leïla Martial, c'est une chanteuse, excellente chanteuse. Voilà, elle sera là avec ses musiciens. Et c'est sur la voix, les instruments et tous les possibles qui sont autour de la voix. Le 23 février, puis peut-être on s'arrêtera là. Non, on va dire le 24 aussi. Le 23 février, il y a un concert Impérial Orphéon. C'est à Sambarésille. Alors c'est un bal moderne et de caractère, tout un programme. Une invitation à la danse entre choros brésilien, thème bulgare endiablé, danse gnawa, le tout enrobé de chants rossiniens, d'air d'opéra réadapté et de composition originale. Bon, je ne sais pas s'il y a de l'impro là-dedans, mais pourquoi pas. C'est pas tous les jours qu'on fait des bals modernes et de caractère. Et le 24, il y a un concert Leïla Martial Béa Box. Donc Béa, c'est le cri de la chèvre en anglais, bref. C'est au Taquin. C'est un petit peu fort le son. C'est au Taquin, donc toujours rue des Amis Douaniers. Il n'y a pas l'horaire. Mais c'est le 24 février, Leïla Martial. C'est une chanteuse, elle travaille sa voix. Elle fait beaucoup aussi d'improvisation sonore dans ses interprétations, je crois. C'est quelqu'un que j'aime bien écouter. Voilà. Il nous reste 4 minutes. On peut peut-être se réécouter un morceau de Tetuzi Akiyama. Allons-y. L'album... On a écouté au départ de cette émission. Tetsuya Akiyama et Jason. Et Jason Kahn. Kahn. Voilà, c'est un album qui s'appelle Till We Meet Again. Donc Till We Meet Again, on va écouter ça. Voilà. Et on se rencontre le deuxième samedi de février. Exactement. À très bientôt. On va essayer de vous préparer un petit programme là pour le reste de l'année, avec des choses sur probablement Jazz Alus, probablement des sessions avec le pavé dans le jazz, peut-être des sessions autres également en préparation. Avec La Rallonge, peut-être. La Rallonge, il y a le collectif La Mamouche aussi. Qui est, et certainement plein d'autres mondes. Henri Hartmann aussi, qu'on a raté, qui devait être là le 14 février, mais l'émission a été annulée. On était en vacances, voilà. Pour ma part en tout cas. C'est ça. Allez, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et on continue avec Tetsuya Akiyama jusqu'à la deuxième semaine de février. Donc. Bon week-end.